Tire de barre, fais peu peu pas. Tire de barre, fais peu peu pas. Ouais, j'tire, j'me barre les que pas. Vite, on s'tire, on s'barre les que pas. Dans la street avec mes potes. J'suis dans la street avec mes potes. La vie nous lâche des sourires jaunes. J'ai l'impression que je vais mourir jeune. J'suis dans la street avec mes potes. J'suis dans la street avec mes potes. Fais peu peu sur Marie-Jeanne. J'suis dans la street avec mes potes. Dans la street avec mes potes, dans la street avec mes gars. Bah les coups ici c'est illégal, ça roule des joints, ils sont méga. Fume, fume sur la ganja, j'ai l'orange bud là dans l'antra. Nous finissons puis nous partons, nous fumons le bail jusqu'au carton. Fait demi-tour, y'a les poulets. Ah, attends deux secondes, j'finis de rouler. J'ai rien sur moi, mais que voulez-vous. Si j'ai du blé, j'fume tous les jours. Pas de bluff, bluff, non, j'roule sur ces seufs, seufs. Ah, vite les keufs, keufs, passe. Donc tire, fais puff, puff, passe. J'suis trop foncé là, j'vais pas courir après le buzz. De rassembler toutes les pièces de monnaie du puzzle. Avant la mort, avant la fin, le coup de sifflet final avant le buzzer. En attendant j'allume un gros stick. Ouais. Tire de barre, fais peu peu passe. Tire de barre, fais peu peu passe. Ouais, j'tire, j'me barre les que passe. Vite on s'tire, on s'barre les que. Dans la street avec mes potes. Dans la street avec mes potes. La vie nous lâche des sourires jaunes. J'ai l'impression que je vais mourir jeune. Dans la street avec mes potes. J'suis dans la street avec mes potes. Fais puff puff sur Marie-Jeanne. Tire de barre, fais puff puff.